midi minuit dans le bando, midi minuit dans le bando, midi minuit dans le bando, midi minuit dans le bando, 7 sur 7 dans le Banks, 7 sur 7 dans le Banks, 7 sur 7 dans le Banks, 7 sur 7 dans le Banks, déterminé rime avec Oro, fais pas la bise t'es qu'un foro. On fait des sous, on prend un euro. Ça fait la distance avec des billets d'euro. Que des billets orangés dans la quiche. Toujours à la pio, on a la vista. Que des loups-garous sont vêtus assista. Petite pute, tu t'es manqué hasta la vista. 2-3 kilos, ça joue les cadors. Ça va voir le receleur avec et t'adore. Demande à Moustapha, c'est un adore. Ça zone sur la cornise dans la rêve et t'adore. Elle est loin, les pourcouches, elle est pavée. Se font monter pétard et du lait dans le café. On s'en bat les coups de quitter de ce que t'avais. Tout le monde sait que t'es une salope, va falloir qu'on retrave. Y'a de la frappe comme t'aimes. Demande à Momo de Bellefontaine. Des kilos par centaine, si on fait un terre, ça veut pas dire qu'on t'aime. Fais pas le faux, petite merde. Dans la tritère, y'a des balles qui se perdent. Nous, y'a pas de mystère sur le terre-terre, souvent y'a des armes qui se perdent. Midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo, 7 sur 7 dans le bingo, 7 sur 7 dans le bingo, 7 sur 7 dans le bingo. Midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo, midi minuit dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo, 7 sur 7 dans le bingo. Dans le Brabus, ça roule à balle sur la voie de bus. On arrive à la Maximus, Decimus, Meridius dans le gang des Marcus. Gros Sky dans le soda, Transat, bord de mer vers la Ciota. Minimum quelqu'un fait le quota, pressé par les ports chargés dans la coda. Bénéfice, bénéfice, bénéfice max. Que tu pisses, R. Welcome dans le tri d'air. Pour ton grosse couille, petit corps pour les 1000 R. On est pisté comme dans The Wire. Récolte le pollen dans le poids du broyeur. Ils veulent jouer, mais c'est des mauvais players. Tu dis mitrailleur pour le mauvais payeur. Que tu parles en traite, la compte des Hennec. T'as pris la grosse tête, le gars, une patette. La street veut ta peau, tu me joues les capots. Ta tête au poignet, la poste patèque. Les dents sont cassées, la tête des carbos. Dans le AMG, classe à 45. C'est chaud les tarots, c'était à 22. Maintenant ça touche dès qu'il est à 45. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. Midi mini dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. 7 sur 7 dans le bingo. J'suis dans le bâtiment, j'vois les petits se faire pour la somme. J'vois des petits cagoulés, des barbades, des Smith et Wesson. J'suis dans le bâtiment, fous de sentiments, c'est la zone. Les clients font la queue, ça dépique comme Amazon. J'suis dans le bâtiment, j'vois les petits se faire pour la somme.